croise jour après jour les arts et la table pour vous offrir des expériences nouvelles en culture et en restauration. Spectacles, arts visuels et numériques, soirées dégustation, bar à vin, brunch, une cuisine du marché, servie le midi et tous les soirs jusqu'à minuit. Le Cercle, né pour l'art, le vin et la table. 228 rue Saint-Joseph, au centre-ville de Québec. Le-cercle.ca 89.1. C'est KRL. Québec. Bienvenue à une autre émission de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Après un 2 semaines d'absence, je commençais à m'ennuyer de vous autres, donc bien content d'être de retour. Cette semaine encore, comme à l'habitude, on ne changera pas les bonnes habitudes. Je vous propose une belle sélection de musique en téléchargement gratuit. C'est vraiment simple. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Donc, vous allez pouvoir télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. On va débuter tout de suite avec un artiste, plutôt un groupe qui publie sur Mix Galaxy Records, un netlabel qui nous vient de la Russie. La pièce s'appelle Liberty, c'est par Synesthesia. Ensuite de ça, de la ville de Québec, c'est RB qui publie sur Pertinence, un excellent netlabel de la ville de Québec. Beaucoup de musique à saveur électronique. Donc sur Pertinence, je vous invite à aller visiter leur site. Énormément de musique vraiment intéressante. Donc allez voir Pertinence. Je vais vous faire entendre la pièce Faux Pas. C'est un album qui a été fait avec Bleu Pulp, vraiment excellent. On débute donc Web Musique avec Synesthesia, la pièce Liberty. toune assez mollo, assez ambiante par le Québécois, donc de la ville de Québec, Arby. Il a fait un album avec Bleu Pulp. L'album s'intitule « Faut pas qu'il vente ». C'était la pièce « Faut pas ». C'était publié sur l'étiquette Pertinence, une étiquette qui nous vient de la ville de Québec, comme je vous disais tantôt. Puis, on avait débuté l'émission avec Synesthesia. Ça nous vient de la Russie. C'est publié sur Mix Galaxy Records. C'était la pièce « Liberty ». Pour la suite, on va se déplacer du côté de la Roumanie avec Makunushi Bento. La pièce s'intitule Yuki Ona. C'est publié sur l'étiquette montréalaise Camomille Music. Donc, c'est un peu spécial, des thèmes japonais, puis ils viennent de la Roumanie. Donc, faudrait peut-être se renseigner un peu sur ce duo-là. C'est assez intriguant. Vraiment excellente musique. Ensuite de ça, on va aller faire un tour du côté de l'Argentine avec Adara Rave Quartetto. C'est donc un quartet qui nous vient de l'Argentine. Je vous fais entendre la pièce Out to Lunch. C'est publié sur l'étiquette de Chicago Pani Rosa Discos. Un net label spécialisé dans la musique, surtout expérimentale, mais cet album-là est plus dans le free jazz, donc assez intéressant comme album. Je vous invite, comme toujours, à le télécharger et le partager avec vos amis, vos collègues, etc. Donc, on écoute tout de suite Makunushi Bento à Web Music. Donc, de l'Argentine, c'était Ada Rave Quartetto avec la pièce Out to Lunch. C'était publié sur Pani Rosas Discos, donc une étiquette qui nous vient de Chicago. Avant ça, de la Roumanie, c'était Makunushi Bento, donc un duo. C'était la pièce Yuki Ona. C'était publié sur l'étiquette montréalaise Camomille Music. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL, vous écoutez l'émission Web Musique. Gênez-vous pas pendant les pièces, pendant les annonces, vous pouvez toujours me contacter si vous avez des questions. Vous pouvez toujours me rejoindre au 418-640-1586, ça va me faire plaisir de vous répondre. On va entendre une pièce cette fois-ci de la ville de Kilmarnock en Écosse. L'artiste s'appelle Mitoma. C'est la pièce Ending publiée sur l'excellent netlabel Section 27. passionné de vélo, découvrez la boutique Le Pédalier, le marchand de quartier aux services personnalisés. Depuis 25 ans, la boutique Le Pédalier répond autant aux exigences des pros que des amateurs. Les plus grandes marques, Kona, Felt, Marin, aux prix les plus avantageux. Une équipe de spécialistes et des conseils judicieux. C'est l'expérience que vous vivrez en vous rendant à la boutique Le Pédalier, 99 boulevard Bastien, Wendake, via Robert Bourassa Nord. 418-842-2734, pédalier.ca. En avril, à l'Ampli de Québec, on marque l'arrivée du printemps avec la série En avril, découvre tous les fils de l'écriture. À ne pas manquer, jeu d'écriture avec Régis Brassard, structure et prosodie avec Mario Chénard, écrire pour l'autre avec Nelson Mainville, et aussi les contrats dans le domaine artistique avec Maître Jean-Claude Pinto, mise en marché 2.0 et l'édition musicale avec Guillaume Désiel. Devenez membre de l'Ampli et rendez-vous sur ampli-de-québec.qc.ca 418-977-9764. L'Ampli de Québec remercie la Ville de Québec pour son soutien financier, le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale, de même que ses fiers partenaires, l'Hôtel Pur, Voir Québec et CKRL 89.1. CKRL. Québec. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique en compagnie de Simon Roy. On va poursuivre l'émission avec une pièce publiée sur l'excellente étiquette Black Lantern Music. C'est une étiquette qui nous vient de l'Écosse. Il se spécialise dans le hip-hop, mais plus hip-hop abstrait, hip-hop expérimental. Donc, vraiment beaucoup de matériel intéressant sur Black Lantern Music. Allez faire un tour absolument si vous aimez ce genre musical. C'est vraiment intéressant tout ce qu'ils ont à proposer. Moi, je download chaque album qui sort, c'est pas mêlant, c'est toujours bon à chaque fois. Donc, je vais vous faire entendre un artiste qui vient de la Russie du nom de Xodi. Je vous fais entendre la pièce Alluring Plays From My Dream. Vous allez voir, c'est vraiment excellent. Ensuite de ça, sur BFW Recording, une autre excellente étiquette, je vous fais entendre la pièce Sci-Fi Dub par Cousin Silas. C'était un artiste de l'Angleterre. Donc ça, c'est tiré d'une compilation qui a été faite juste en une journée. C'était le 7 avril. Donc les artistes avaient seulement la journée pour enregistrer leurs pièces pour soumettre à la compilation à la fin de la journée. Donc ça a été soumis à l'étiquette. Ils ont préparé ça, puis le jour d'après, ça a été lancé. Donc ça fait déjà la quatrième fois que BFW Recording fait ce genre de compilation-là. Ça donne des résultats vraiment intéressants. Donc, une compilation assez éclectique. Donc, on écoute tout de suite à Web Music Xodi avec la pièce Alluring Plays From My Dream. Yeah.

du bon dub très mou par Cousin Silas qui nous vient de l'Angleterre. C'était la pièce Sci-Fi Dub. C'était tiré de l'album. Album In A Day, c'est, comme je vous disais, c'est une compilation qui a été réalisée en seulement une journée. Il y a 18 pièces donc qui ont été enregistrées toute la même journée par plein de groupes différents. Donc c'est ça que ça donne, une compilation vraiment éclectique, vraiment intéressante. Il y en a pour tous les goûts. Je vous invite à aller la télécharger, ça vaut la peine. Donc c'est sur l'étiquette BFW Recordings. Avant ça, de la Russie, c'était Exodi avec la pièce Alluring Place From My Dream. On poursuit avec un duo qui est sur Dusted Wax Kingdom, l'excellente étiquette qui nous vient de la Bulgarie. Il s'agit de Bulimic Orgy qui vient de la Latvie et son partenaire Mile. Je vous fais entendre la pièce Reverse of the Void, vraiment excellent. Tout de suite après, ben, c'est cette fois-ci de la Roumanie. C'est The Ghost of 313, c'est la pièce Waking Breathless. Ça, c'est publié sur l'étiquette de Taïwan qui s'appelle Sociopath Recordings. Donc, pour tout de suite, on écoute Bulimic Orgy et Mile. Thank you. J'adore les MP3 qui grichent. Donc, c'était The Ghost of 313, la pièce Waking Breathless. C'était publié sur l'étiquette taïwanaise Sociopath Recording. L'artiste nous venait de la Roumanie. Avant ça, de la ville de Riga en Latvie, c'était Bulimic Orgy et Mile avec la pièce Rivers of the Void publiée sur Dusted Wax Kingdom. Ça va déjà être tout pour Web Music. C'est Guy Tremblay qui vient tout de suite après avec son émission Beau temps, mauvais temps. Je vous invite à visiter la page de l'émission au www.webmusique.ca. Vous allez pouvoir donc télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. On se quitte sur une pièce du quatuor japonais Pistol Jazz. La pièce s'intitule Rude Blue Swallow Swing. C'est donc publié sur Mimi, une étiquette qui nous vient à la fois du Japon et du Portugal. On se laisse là-dessus. Bonne soirée. Ugoka nai de. Kono pistol wa ima anata no shinzō o neratte iru. Premier acte est le théâtre Jésus, Shakespeare et Caroline présente Amour écureuil de Jean-Michel Girouard. Une plongée tout en humour et en émotion dans l'univers intimiste d'Alex et Agathe. Au fil de ses souvenirs et de ses confessions, Alex tentera de faire la paix avec Agathe, se réconcilier avec lui-même pour enfin faire taire l'écureuil, cette mystérieuse entité poilue qui le hante par ses conseils sur la vie. Fait que là, l'écureuil me lance comme un regard. Tu sais, un genre de regard qui dit « Ah ouais, mon homme, carpe diem, man, fais-le, saute, plonge, mort d'envie. Ah ouais, embrasse-la, fais-le maintenant! » Une pièce de gars qui saura charmer les filles. Une soirée qui vous donnera envie de frencher, de dormir collé. Du 17 avril au 4 mai, 20h, le 5 mai, 15h, à premier acte. Billets en vente sur le réseau Billettech au 643-81-31. Une collaboration de la Caisse populaire de Québec, du bar Le Sacrilège, de l'Intermarché Saint-Roch, premieracte.ca. Les mardis 9h, Geneviève Desgagnés nous parle sport. Pas de résultats, pas de pronostics, que le plaisir et la passion de faire de l'activité en solo ou entre amis à Sport pour tous. Un magazine pour maximiser sa forme physique à CKRL. Vous aimez ce que vous entendez et vous aimeriez encourager votre radio préférée? C'est simple comme bonjour. Soutenez votre radio favorite en faisant un don en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton sécurisé PayPal ou téléphonez au 418-640-2575. Un petit geste d'amitié pour une grande radio. CKRL. À Québec. Bonsoir tout le monde et merci Simon pour encore une fois cette excellente émission de...